suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Leçon 30. Lektion 30. Après toute la grammaire que nous venons de voir dans nos dernières leçons, je pense qu'il est temps d'apprendre du nouveau vocabulaire. Prenons dans ce cas le vocabulaire des conversations au téléphone. Si vous demandez quelqu'un au téléphone, vous dites « Hast du Herr Schmidt da, wenn ich klingelt ?»« Est-ce que M. Schmidt est là, s'il vous plaît ?»« Ich schwätze gerne mit Herrn Schmidt, wenn ich klingelt. » Ou bien « Ich gehe gerne mit Herrn Schmidt schwätzen, wenn ich klingelt. » »« J'aimerais parler avec M. Schmidt, s'il vous plaît. » »« Kann ich mit Herrn Schmidt schwätzen, wenn ich klingelt ?»« Est-ce que je peux parler avec M. Schmidt, s'il vous plaît ?» Il existe une variété de manières dont la réceptionniste ou le secrétaire peuvent répondre à votre demande. Im Moment, wenn ich klingelt, ich verbinde mich. Un instant, s'il vous plaît, je vais vous mettre en ligne. Ou bien, im Moment, wenn ich klingelt, ich gucke ob er da ist. Un instant, s'il vous plaît, je vais voir s'il est là. Ou bien, ich gucke, je vais voir. Lorsque la réponse est affirmative, la réceptionniste va vous mettre en ligne, sinon elle a d'autres possibilités. Hien as besat, sa ligne est occupée. Hien hat grad eine Verbindung, il est en ligne pour le moment. Et tippt mal leid, denn Herr Schmidt ist just bis raus. Je suis désolé, mais Monsieur Schmidt est sorti pour un instant. Denn Herr Schmidt ist haut den ganzen Tag nicht da. Monsieur Schmidt n'est pas là toute la journée. Denn Herr Schmidt ist an einer Reunion. Monsieur Schmidt est en réunion. Hien ist das Woche am Ausland. Il est à l'étranger cette semaine. Hien hat congé. Il est en congé. Hien ist an der Vakanz. Il est en vacances. Hien ist nächst vorem do. Il sera de retour la semaine prochaine. Lorsque la réceptionniste essaye de vous aider, elle a plusieurs possibilités. Wen ist Apparat, wenn ich klingelt? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Wer ist Num? Quel est votre nom? Könnt ihr noch einmal probieren? Pouvez-vous essayer encore une fois? Kann ich euch vielleicht helfen? Est-ce que je peux vous aider? Gave de gay eng Nachricht han losen. Aimeriez-vous laisser un message? Kann den Herr Schmidt euch zurückrufen? Est-ce que Monsieur Schmidt peut vous rappeler? Lost mir eine Nummer, a mir rufen euch zurück. Laissez-moi votre numéro et on va vous rappeler. Si vous voulez fixer un rendez-vous, vous dites Ich hätte gern ein Rendez-vous, wenn ich klingelt. Kann ich ein Rendez-vous kriegen, wenn ich klingelt? Alors, reprenons ce dialogue. Bonjour, Herr Werner. Kann ich mit Herrn Schmidt schwätzen, wenn ich klingelt? Tut mir leid, denn Herr Schmidt ist der Morgen nicht da. Könnt ihr den Mitte noch ein Kehr probieren? Kann ich ihm ein Message hinlassen? Selbstverständlich. Bien sûr, was geht es, wenn ich klingelt? De quoi s'agit-il, s'il vous plaît? Ich hätte gern ein Rendez-vous für morgen Mittag. An der Reihe, merci, denn Herr Schmidt rieft ich zurück. Ou bien, bonjour, ich gif gern mit der Madame Meyer schwätze, wenn ich klingelt. Im Moment, ich gucke, ob sie da ist. Tut mir leid, Madame Meyer hat heute Congé. Könnt ihr morgen ein Kehr probieren? Ja, merci. Wie viel Uhr ist sie morgen da? 9 Uhr, geht das? Ja, merci. Si vous faites un appel pour réserver une table, vous dites, ich gif gern einen Tisch reservieren. J'aimerais réserver une table. Ja, für wen a für wie viele Personen? Oui, c'est pour quand et pour combien de personnes? Für heute Abend, für 5 Leute, pour ce soir, pour 5 personnes. S'il vous faut un taxi, vous dites, ich brauche den Taxi, wenn ich klingelt. Ich hätte gern ein Taxi, wenn ich klingelt. Könnt ihr mir ein Taxi lounge checken? Pouvez-vous m'envoyer un taxi? Ja, wer ist die Adresse, wenn ich klingelt? Für wen braucht ihr den Taxi? Wer ist Ihre Nummer, wenn ich klingelt? Das an der Reihe, das klappt. Un des sujets de conversation favoris des Luxembourgeois et des Français est le temps. Tvieda. Commençons par la pluie. Rain, bien sûr. Une goutte de pluie s'appelle raindrops. Le verbe pleuvoir est rainen. Une averse, ein Regenschauer. Et une tempête, Sturm. Un orage, un Donnerwetter. La foudre s'appelle Blitz et le tonnerre Donner. Voici quelques expressions. Wat dat rent? Qu'est-ce qu'il pleut? Et rent riche daran. Et que train? Il va pleuvoir. Et blitzt. Et dimmert. De Blitz huet angeschloen. La foudre a frappé. Bien sûr, au Luxembourg, on a aussi des moments de soleil. Nous avons donc aussi besoin de quelques expressions pour définir le beau temps. Le soleil s'appelle Zun. Briller devient Schengen. S'il y a du soleil, van de Zonnejas, s'il fait chaud, warm. Et rapidement, les gens se plaignent qu'il fait lourd, Schweier, ou excessivement chaud, Schmeier. La chaleur devient Hützt. Une vague de chaleur s'appelle Tonstich oder Enghützfell. Nous disons Temperatur geht rup oder Temperatur klimmt. La température est en hausse. Das schön, il fait beau. Das warm, il fait chaud. Das müll, il fait doux. Tützt erdrückt ihn. La chaleur est accablante. À l'opposé, s'il fait froid, kalt ou il fait glacial, das eisig. Le froid devient kilt et la neige s'appelle Schnee. Glitz oder Glatteis s'appelle du verglas ou bien de la glace. Eis ou le gel, Frost. Quelques mots utilisant la neige. Un flocon de neige, ein Schneeflock, une bulle de neige, ein Schneeklotz, un bonhomme de neige, un Schneemann, une averse de neige, ein Schneeschauer. Une pluie mêlée de neige est Schneerin qui fond des Schmelzt. Nous parlons d'un hiver rude, un harde Winter. Nous avons quelques degrés en dessous de zéro, mais un peu grad en nul. Il fait très froid, eiskal, ou froid humide, fischkal, et nous disons que le temps est horrible, das Sauwetter. Les étangs sont gelés, Tweiere sind zugefroren. Il va y avoir de la neige, et que seid nur Schnee aus. La pluie et la neige sont souvent accompagnées par le vent, de Wand, qui souffle, des Bläst, ou qui tourne, den sich dreht. Et après quelque temps, il se calme, er lädt sich. La prévision du temps s'appelle Meteo. Prédire devient Voraussagen. Un thermomètre s'appelle un thermomètre. La pression de l'air est de Luftdruck. Si le temps est variable, nous disons « veränderlich » ou « unbeständig », ce qui nous amène au nuage, « Wolken ». Nuageux devient « wolkig », couvert devient « zu » ou « bedeckt ». L'humidité s'appelle « Luftfeuchtigkeit » et un arc-en-ciel « Regenbogen ». Le brouillard de Nivel peut être gênant pour les conducteurs, mais parfois il y a seulement de la brume, « Dunst ». La rosée s'appelle den da, la givre de reif. Nous disons que le brouillard se dissipe, de nivel lässt sich op. Même dans nos régions, le temps peut provoquer des déluges, Heischwasser, spécialement à la Moselle, op der Mosel, ce qui provoque des inondations, Überschwemmungen. Parfois, la rivière de Fluss déborde, klemmt Überdufer. D'autres pays sont frappés plus gravement par des tremblements de terre, Erdbeben, dont la puissance, Stärke, est mesurée à l'échelle Richter, wird auf der Richterskala gemessen. Les leçons vous ont été présentées par Jean-Marie Nau et Jean-Paul Roden. Des Lektionen gaufen ich präsentiert vom Jean-Marie Nau an dem Jean-Paul Roden.